Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Guémouzo 107 FM pour cette nouvelle édition de l'heure des loulas quotidienne de 18h à 19h sur le 107. Et pour cette édition, bon, on n'est peut-être pas en direct, mais ça ne nous empêchera pas de passer une très belle heure avec vous. Surtout qu'on va surtout ouvrir nos horizons gustatifs ce soir avec Isabelle Aubry de la Semaine du Goût à la Bresse. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Lou. Alors Isabelle, comme dans l'heure des loups, il y a un pattern, je m'en suis rendu compte toute seule. On va faire les choses dans l'ordre et je ne sais pas si c'est la première fois que tu interviens dans nos locaux. Écoutez, il y a fort longtemps que je suis venue à Rue et voilà, j'ai la chance de découvrir Guémouzo à Saint-Étienne, ma ville de cœur. Ta ville de cœur, en effet. Et dis-moi, par rapport à... Alors toi, tu viens de l'office de tourisme, c'est ça? C'est là où tu travailles? Oui. Hein. Et quelle est ta place au sein de l'office de tourisme de la Bresse, je précise? Oui, alors ça fait une vingtaine d'années que je travaille à l'office de tourisme de la Bresse. Je suis chargée des partenariats et de la communication. Et ça fait longtemps que tu travailles à l'office de tourisme de la Bresse? Oui, une vingtaine d'années. Alors j'ai fait quelques différents postes et depuis un an et demi, je suis chargée de la communication. Chargée de la communication, la raison pour laquelle tu es là aujourd'hui, bien entendu, parce que ce que tu mets en avant, c'est la Semaine du Goût, à moins que tu avais d'autres choses à dire sur toi. Non, tu vas y arriver, t'inquiète. Non, que dire sur moi? Non, je suis mariée, j'ai deux enfants, voilà, et j'habite la Bresse depuis 20 ans, voilà. La Bresse, ville dans laquelle il se passe toujours plein de choses, entre le festival Camille Claudel... Exactement, ça bouge à la Bresse. Ça bouge beaucoup, en effet, et ça continue de bouger, cette fois avec la Semaine du Goût organisée à la Bresse du 8 au 14 octobre 2018. Donc, à l'heure à laquelle vous nous écoutez, ça a déjà commencé, la première journée a déjà eu lieu. Et dis-moi, Isabelle, est-ce que tu peux peut-être nous résumer un petit peu en quoi consiste la Semaine du Goût? Alors, la Semaine du Goût, il faut savoir qu'elle existe depuis une trentaine d'années maintenant, car c'est national. Et donc, avec ma directrice Julie Grob, on a voulu essayer l'année dernière de mettre en place cette Semaine du Goût à la Bresse et aux alentours, car nous avons aussi des partenaires bressots, mais aussi hors territoire. Et nous avons donc... estimé que cette année, on pouvait reconduire cette Semaine du Goût, puisque ça a très bien marché l'année dernière. Donc, bon, on n'était pas nombreux l'année dernière, parce que, bon, c'est comme tout nouveau mouvement, il faut quand même fédérer des restaurateurs et puis des gens qui veulent bien nous suivre. Pour information, par exemple, l'année dernière, on a vendu, entre guillemets, 400 repas adultes-enfants. Donc une bonne première année l'année dernière. Donc là, on a de nouveau sollicité nos partenaires qui, pour certains, ne pouvaient pas reconduire cette opération puisqu'ils étaient en congé. Et donc nous avons d'autres restaurateurs, mais aussi des fidèles de l'année dernière. D'ailleurs, dis-moi, la semaine du goût, en quoi ça consiste? Alors, si j'ai bien compris, d'ailleurs, j'ai le communiqué de presse sous les yeux aussi. Il y a des restaurants qui sont partenaires. Le but, c'est quoi? C'est d'ouvrir ses horizons culinaires, de découvrir d'autres choses, que les restaurateurs fassent des plats plus recherchés. Enfin, voilà, en quoi ça consiste? Alors, le but pour cette semaine du goût, c'est de concocter un menu spécial pour cette semaine avec des produits locaux, régionaux, afin de nous faire découvrir d'autres produits, d'autres menus qu'on aurait peut-être l'habitude de manger tout au long de l'année. Voilà, donc là on est dans une saison automnale, donc là on mettra en avant un peu le gibier, un peu les champignons, voilà des choses qu'on n'a pas l'habitude de manger. Voilà. Et comme tu as dit, c'est national, hein, la semaine du goût, du moins. Moi, je me souviens aussi que quand j'étais au lycée à la cantine, il y avait une fois par an la semaine du goût. Voilà, oui. C'est donc la semaine du goût a lieu en France du 8 au 14 octobre ou c'est vous qui avez choisi la date? Alors, non, la date, on ne l'a pas choisie. En fait, elle nous est imposée, entre guillemets. Comme je vous disais tout à l'heure, ça fait quand même une trentaine d'années que ça existe. Nous, ça ne fait que 2 ans, bon, parce qu'on n'avait peut-être pas eu l'idée avant, ou sans trop rentrer dans les détails, on a changé de direction. Donc, celle qui est ma directrice connaissait très bien ça en Alsace, où ils appliquaient ça depuis de nombreuses années. Donc, on a dit pourquoi pas à la Bresse. Voilà. Pour, j'imagine, faire aussi un attrait touristique supplémentaire à la Bresse. Voilà. Bon, il faut savoir que là, c'est une période assez creuse chez nous. Hein, on a eu un super été. Là, on est en période un peu plus creuse. Donc, pourquoi pas mettre en place cette semaine du goût pour aussi amener des gens, des clients, de nouveaux clients, des Bressots, des gens aux alentours. Enfin, voilà, quoi. Et faire connaître ces restaurateurs et ces nouveaux menus qui sont mis en place pour cette semaine du goût. Et oui, comme tu le disais, donc ça a été décidé par une instance que dans la France entière, ceux qui veulent participer à la semaine du goût, c'est cette semaine, si j'ai bien compris, du 8 au 14. Voilà. Et est-ce que, alors tu as dit, c'est vrai qu'on est en automne, donc les repas sont un petit peu plus autonomes. On viendra dans quelques instants sur peut-être les types de repas. Mmh. Mais mis à part ça, est-ce qu'il y a, en plus du thème automnal, un thème supplémentaire, alors choisi nationalement ou juste propre à la Bresse? Alors, non, parce que bon, il y a un cahier des charges au niveau de la semaine du goût, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Donc, on a essayé de mettre en place depuis l'année dernière des animations autour du goût pour pouvoir aussi animer différemment cette semaine pour ceux qui ne veulent pas forcément aller au restaurant, tout simplement. Pour ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas, peut-être, hein, il faut y penser aussi. Oui, tu as dit que la première édition de la Semaine du Goût à la Bresse, c'était l'année dernière. Est-ce que tu peux peut-être nous faire une petite rétrospective, comment ça s'est passé? Alors, tu as dit 400 repas vendus, oui. Donc une fréquentation d'environ 400 personnes, oui. Enfants comme adultes. Ça s'est encore une fois étendu sur une semaine? Oui. Donc l'année dernière, la semaine, c'était du 9 au 15. Donc c'est toujours du lundi au dimanche, hein, inclus. Donc par exemple, l'année dernière, on avait 13 restaurateurs et 3 animations. Donc pour une première, c'est déjà même très bien. Sachant que là, pour cette année, nous avons un peu moins de restaurateurs, mais un peu plus d'animations. Sachant, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup de restaurateurs qui partent en vacances. Oui, en effet, hors saison, c'est voilà. Ce qui arrive très fréquemment. Et puis tu as dit quand même, ça s'est quand même bien passé. Oui, on a eu des retours favorables par rapport à cette mise en route, hein, ce qui n'était pas gagné d'avance, sachant que que c'était la première édition. Voilà. Donc, fédérer, c'est aussi... il faut savoir fédérer. Mais nous sommes très, très contents d'avoir pu réunir autant de restaurateurs pour cette première semaine du goût, quoi. Oui, et comme tu le disais, bon, ça fait une vingtaine d'années que tu es à la Bresse et la première édition, c'était l'an dernier. Donc, CQFD, tu étais là l'an dernier pour organiser tout ça. Tout à fait. J'imagine que ce soit tant pour l'an dernier que pour cette année, ça représente une grosse charge de travail. Alors, en fait, pas tant que ça, sachant que je m'occupe aussi d'autres animations. Nous, on est là pour fédérer, donc au niveau des restaurateurs et des gens qui veulent bien participer à cette semaine du goût. Nous, l'Office de tourisme se charge exclusivement de la communication, donc la promotion de cette semaine, sachant que le travail revient quand même aux restaurateurs et aux personnes qui animent cette semaine du goût, quoi. Donc, en fait, concrètement, toi, tu lances juste l'information. Oui. Après, les restaurateurs disent si oui ou non ils sont partants. Voilà. Mmh. OK. Après, qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils proposent leur menu. Voilà. Donc, moi, je récupère les menus et on regarde un petit peu en interne si le menu peut correspondre à la charte de la semaine du goût. Et puis après, nous, on édite un petit flyer qu'on distribue donc à nos partenaires dans les commerces Bressot et alentours, et puis aux écoles. Et donc ça, c'est la partie restaurateur, parce que tu l'as dit plus tôt, c'est vrai qu'on n'a pas encore tout défini. Il y a des restaurateurs qui participent, donc il y a moyen de se rendre dans des restaurants pour goûter des plats élaborés spécialement pour la semaine. Mais il y a aussi des animations. Et oui. Il y en a des animations. Là, tu as dit l'an dernier, il y avait 3 animations, oui. Je crois. Oui, oui. Et cette année, il y en a un petit peu plus. J'essaie un petit peu de lire... Cette année, nous avons trois animations, Lou. Donc, trois un peu plus portées sur le vin. Une autre, notre magasin Super U qui propose de la dégustation pour découvrir les produits régionaux tout au long de la journée. Et puis, nous avons aussi un film qui sera diffusé donc, le dimanche... Le 14 octobre, selon le communiqué. Oui. Alors le film Tazeka, qui est en avant-première au cinéma à la Bresse, qui est un film franco-marocain et dont la sortie nationale est prévue le 10 octobre. Voilà. Ah bah dis donc, on en parlera un petit peu plus tard de la projection du film. Hein, c'est prévu dans mon petit prompteur de Lou. Avant qu'on passe la première pause musicale, il y a juste un mot qui m'a interpellée, un terme qui m'a interpellée. Tu as parlé de charte de la semaine du goût, tu sais, pour accepter ou non les menus. Qu'est-ce que ça veut dire en fait, cette charte? En fait, le menu, il faut qu'il soit exclusivement nouveau pour cette semaine du goût. Il faut utiliser des produits régionaux. Hein, et puis voilà. Bah écoute, c'est comme ça qu'on répond à la question. Donc on va s'écouter un premier morceau. J'ai envie de découvrir des choses parce que t'en as proposé des musiques. On va passer en premier Girl on the Moon de Naya, qu'on s'écoute tout de suite et on se retrouve juste après sur Radio Guémozo. C'est une fille de la lune, une étrange funambule, acrobate de l'infini, la voie lactée pour la vie. Au-dessus d'un monde à ses pieds, elle défie les lois de la gravité, la tête à l'envers accrochée. Une fille de l'air. She's the girl on the moon. Girl on the moon. No, your heart, she will. veille sur toi. La bonne étoile guide tes pas. Dans une nuit sidérale, un soleil de minuit, tout reste un grand mystère. Où danse Miss Univers? She's the guy on the moon. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo 107FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups, et vous avez écouté à l'instant le morceau Girl on the Moon, et on est toujours avec Isabelle Aubry de l'Office de Tourisme de la Bresse pour, bah voilà, j'ai un trou, tu vois, ça la arrive. Semaine de goût. Merci Isabelle. Et on avait présenté en fait en première partie de comment ça s'était passé en 2017 et aussi un petit peu les grandes lignes de la Semaine du Goût, mais maintenant, hein, comme ça se déroule en ce moment même. Il faut quand même se concentrer sur l'édition 2018. Oui, comme tu le disais, hein, l'édition 2018, on a déjà parlé rien qu'en termes de charge de travail. En fait, c'est juste le fait que tout soit harmonieux et après, chacun travaille dans son coin et puis ramène tout. Après, j'imagine que quand vous le répéterez chaque année, ce sera un petit peu comme une habitude, un travail orchestré. Oui, et puis on va essayer d'étoffer un petit peu plus, hein, de proposer des fois autre chose. Hein. Oui. Après, voilà, on se cherche aussi, on discute beaucoup avec les partenaires. Et puis... pour faire avancer un petit peu, pour avoir une meilleure édition pour l'année prochaine. Oui, à coup sûr. Et comme qui dit Semaine du Goût, forcément dit restaurant participant. D'ailleurs, j'en ai dénombré environ 9, je ne me trompe pas. Oui, c'est bien 9. Et dis-moi, quels sont, donc mis à part le critère de être présent pendant la Semaine du Goût, ce qui semble logique, est-ce qu'il y a les restaurants qui ont été sélectionnés sur certains critères ou tous se sont portés volontaires et ont été choisis sans problème? Alors en fait, c'est eux qui sont venus vers moi et m'ont proposé donc leur menu du goût pour cette semaine-là. Sachant que j'ai tenu quand même à avoir un menu enfant. Parce que je trouve que c'est important quand on va au restaurant. Alors on peut y aller soit tout seul, soit en couple, soit en famille. Nous, on est quand même labellisé Famille Plus, donc on est quand même basé sur la famille. Donc, alors soit ils m'ont proposé des menus enfants différents par rapport à celui du menu adulte, soit ça se décline en une demi-portion du menu adulte. Oui, voilà. Donc, donc ça permet aussi aux enfants de goûter autre chose que ce que maman prépare. Oui, et peut-être ce qu'ils ont l'habitude de manger, hein, jambon, frites, ketchup, comme on fait souvent en menu enfant, ou du moins quoique je ne sors peut-être pas si souvent que ça. Non, mais on a banni le steak frites, voilà, c'est, non, au niveau gustatif aussi, les enfants ont droit à goûter autre chose que ce qu'on mange à la cantine ou ce qu'on leur prépare aussi à la maison. Ce qui se comprend, bien entendu. Et je rebondis très rapidement sur ce que tu as dit. Comme vous êtes Famille Plus, il faut penser à tout le monde. Je peux peut-être te faire une petite suggestion pour l'année suivante ou les suivantes en oui. lisant les menus. Les auditeurs le savent très bien, je pense qu'ils me connaissent bien maintenant. Je suis végétarienne et en ce qui me concerne, je ne trouve pas trop mon bonheur. Donc c'est peut-être un petit peu dommage, je ne sais pas ce que tu en dis. Je sais qu'on n'est pas encore très nombreux, je crois qu'on doit être entre 3 et 4% de la population française. Est-ce que tu penses que peut-être pour la semaine du goût de l'an prochain, ça continuera, j'imagine, à évoluer vers aussi d'autres régimes alimentaires? Parce que, bien sûr, je ne suis pas tout seule à fait, sur la planète. Tout à fait. Eh bien, écoute, Lou, je prends note pour l'année prochaine et je remonterai ça à mes restaurateurs qui pourront sûrement proposer un menu vegan ou végétarien pour ceux qui ne mangent pas de viande ni de poisson. Ah bah oui, poisson. Au moins, ça peut convenir à plus de personnes, comme tu as parlé. Hein, en mangeant vegan, ça peut convenir aux musulmans, aux végétariens, végétaliens, aux vegans, bien entendu. Donc oui, là, ça peut englober beaucoup de monde. C'est une très, très bonne idée. C'est une bonne suggestion. Mais soit dit en passant, on ne va pas parler que de moi, bien entendu, parce que j'ai quand même lu le menu qui, malgré tout, enfin, les menus qui ont tous l'air plus appétissants les uns que les autres. Tout à fait. Proposés par tous les différents restaurants. Je vois un petit peu l'heure qui tourne, donc je ne sais pas si on aura le temps de faire un détail des différents restaurants. Mais je pense qu'on peut peut-être toucher deux mots là-dessus. D'ailleurs, tu as dit, alors il y a des restaurants de la Bresse, mais pas que. Alors oui, effectivement, parce que moi j'ai des partenaires de la Bresse, mais aussi des alentours. Là, nous aurons donc deux restaurateurs du 68, donc de l'Alsace, nos amis alsaciens. Donc, nous aurons le restaurant au Brahms et nous aurons aussi le restaurant Les Quatre Saisons. Et puis le domaine du Haut-Jardin à Réopal, donc qui n'est pas très très loin, mais qui propose aussi son menu pour la semaine du goût. Donc en fait, comme tu le disais, cette semaine du goût de la Bresse s'étend un petit peu. Hein. Voilà, alors on dit la semaine du goût parce que en fait, c'est l'Office de tourisme qui organise avec ses partenaires, mais bon, c'est quand même l'Office de tourisme à l'initiative de cette opération. C'est pour ça qu'on dit la Bresse. Mais bon, moi j'aime bien aussi de parler de mes partenaires avec qui je travaille tout au long de l'année aussi, pas uniquement pour la semaine du goût. Parce que tu travailles, oui, c'est vrai que c'est bien de faire un petit point. Peut-être si les partenaires nous écoutent, avec qui tu travailles en dehors de ce qui se passe à la Bresse, bien entendu. Alors moi, je travaille avec les adhérents de l'Office de tourisme. Alors il peut être de la Bresse, des environs, des Alsaciens, des Romarimontains, enfin un peu tout le monde. En fait, toutes les personnes qui veulent travailler avec l'Office de tourisme, en fait. Voilà, donc ils sont divers et variés. Et puis voilà, donc moi ça fait une vingtaine d'années que pour certains je côtoie, donc que je connais bien. Comme tu côtoies, tu vois du monde, donc j'imagine que ça te permet aussi de créer des liens ou peut-être d'avoir des idées pour des animations futures à la Bresse. Tout à fait, tout à fait. On a mis en place aussi des accueils vacanciers, le salon des vins, la fête du goût, le festival d'Anissé. Bon, petit à petit, on essaye de trouver des nouvelles idées, sachant que nous avons aussi un service animation à la mairie de la Bresse. Donc, bon, on essaye de se... coordonner peut-être. Ouais, coordonner, travailler ensemble, et, voilà, pour proposer une offre... diverses et variées, quoi. Ce qui se comprend, bien entendu. Et on peut peut-être faire rapidement le listing des différents restaurants qui sont participants. Malheureusement, je ne peux peut-être pas vous donner le listing. Et, vu l'heure à laquelle vous allez m'écouter, c'est peut-être pas la meilleure idée du monde. On va mettre l'eau à la bouche. Oui, en effet. Et d'ailleurs, dis-moi, tant qu'à faire, on peut peut-être faire le listing des différents restaurants participants, s'il te plaît. Oui, sans trop rentrer dans le détail, si on manque un peu de temps. Alors, nous avons l'Hôtel Les Vallées, qui est le restaurant Le Diamant à la Bresse, qui propose un menu adulte et enfant. Nous avons la Table d'Angèle à la Bresse. Nous avons l'Auberge La Cheminée. Nous avons le Chalet des Roches. Le restaurant Ibis, où je vais goûter demain midi le menu. Car je vais aussi tester les animations et quelques restaurants. Les skieurs. Toujours à la Bresse, le Collet à Axon rue Longemer, que j'avais oublié tout à l'heure. Oui. Puis le domaine du Haut-Jardin à Réopal, au Brahms, donc à Wildenstein. Et puis après, nous arrivons sur les animations. Donc, On va peut-être parler des animations dans quelques minutes, ne t'inquiète pas, hein, avant la pause musicale suivante, on a encore le temps pour ça. Et oui, comme tu le disais, hein, il y a quand même bon nombre de restaurants. Est-ce que, si des auditeurs sont peut-être curieux de savoir quels sont les menus qu'ils proposent, ces menus se trouvent-ils sur un site internet ? Oui, alors on a un site internet qui est www.labresse.net, où là vous pouvez retrouver toutes les informations, les adresses, les numéros de téléphone sur cette semaine du goût. Donc là aussi, les auditeurs pourront aisément savoir ce qu'ils pourront ou ce qu'ils pourraient avoir envie de manger. Et comme tu as dit, on n'a pas trop parlé de fourchette de prix, mais c'est vrai que tu as dit, généralement, ils proposent tous des menus enfants. Mais cette semaine du goût, ça reste quand même une semaine un petit peu exceptionnelle, hein, je pense, pour tout le monde, pour les restaurateurs. Oui. Parfois, c'est bien de parler de prix. Donc, qu'en est-il pour cette semaine-là, pour ces restaurants en général, hein ? On ne va pas faire un détail, mais juste une approximation. Alors, le menu commence à 21 euros pour un adulte et jusqu'à 33 euros pour un menu adulte. Bon, alors après, ça peut paraître peut-être cher, mais bon, ça, c'est quand même un menu assez complet avec entrée, plat, dessert pour la plupart. Hein. Oui, et apéritif pour certains. Oui, voilà. On a parlé aussi des menus enfants qui forcément sont moins chers, ce qui se comprend bien entendu. Oui, c'est logique, hein, un enfant, ça n'a pas le même estomac qu'un adulte. et donc, comme tu le disais, tout le monde peut trouver son bonheur en passant par le site que je rappellerai bien entendu à nouveau en fin d'émission et qui sera indiqué dans le podcast, hein, c'est www.labresse.net. Vous le retrouverez aisément. On va peut-être s'écouter une pause musicale suivante, si tu veux bien, Isabelle. Oui. Avec plaisir. Alors, le morceau suivant, hein, toujours dans les découvertes, un artiste que je connais, que j'ai pas écouté depuis longtemps. Il s'agit de Calvin Harris pour son morceau Promises, en espérant que je le prononce bien. Donc on écoute tout de suite et on se retrouve juste après. Are you drunk or not? Now to judge what I'm doing. Are you high enough to excuse that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. You are thing tonight. Is it loud or no? 'Cause my body is calling for you, calling. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight, magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight, I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight, magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Voilà, et vous êtes de retour sur Radio Gémozo 107FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups, toujours avec Isabelle de la semaine du goût de l'Office de tourisme de la Bresse. Bien entendu, on a parlé juste avant des différents restaurants participants, enfin vite fait, hein, comme on n'a pas spécialement le temps d'entrer dans les détails. Mais c'est vrai que, je pense qu'on le rappellera en fin d'émission si on y pense, mais tu avais dit qu'il y a quand même un détail qui est important de mettre en avant. Il s'agit de réserver, c'est ça ? Oui, de préférence si quelqu'un veut manger le menu de la semaine du goût, sachant que vous pouvez aussi manger réserver un menu sur la carte. Il est bon de réserver en fait chez le restaurateur pour dire voilà, j'aimerais goûter votre menu de la semaine du goût. Donc de toute façon, les coordonnées, vous les retrouvez sur notre site internet. Hein. Oui, qui seront bien entendu indiquées aussi avec le podcast, site internet. Enfin bref, les auditeurs ont l'habitude. Mais la semaine du goût, c'est d'un côté des restaurants qui mettent la main à la pâte en proposant des menus spéciaux et d'un autre côté des animations. Donc on y vient. Isabelle, pour faire court ou pas spécialement, on a encore du temps devant nous. Donc généralement, tu as dit les animations, forcément ça tourne autour du goût. Aujourd'hui ou même cette semaine, c'est beaucoup sur le vin. D'ailleurs, oui. L'abus d'alcool est dangereux pour la Attention, santé. Oui. et dis-moi, donc quelles sont ces différentes animations ? Alors, par exemple, nous avons le bar à vin, la typique, qui est ouvert chez nous depuis l'été dernier, avec le traiteur Fred Bieren, qui nous propose 4 vins à déguster plus 4 verrines. Donc, il m'avait proposé mardi et jeudi de cette semaine. Et en fait, il m'a annoncé que tout était complet. Donc, les réservations ont fait bon train. Donc là, malheureusement, pour les retardataires, c'est trop tard. Et ça a tellement bien marché qu'il refuse du monde maintenant. Mais vous pouvez vous rattraper au cuvée Vosgienne qui vous propose donc une dégustation de ses vins à base de petits fruits. Il est en partenariat avec la ferme du Séchy, la ferme Entre les Gouttes et Gourmandard, qui est un magasin chez nous de salaison et de fromage. Donc là, vous pouvez déguster tout au long de cette semaine les vins qu'il a. Et puis, nous avons le magasin Super U qui vous fera déguster les différents produits de ses rayons, donc salaison, fromage, fruits, etc. Sachant que là, c'est des animations gratuites, j'ai oublié de vous le dire. Et puis, nous avons aussi côté alsacien, bar à vin et tapas éphémère. Donc, c'est découvrir 21 vins, dont 3 vins de prestige et un buffet de tapas alsaciennes. Donc, à l'hôtel 4 saisons. Voilà. Et puis, je vous ai gardé peut-être le meilleur pour la fin, le cinéma, avec le film Tazeka. Donc, une projection dimanche 14 octobre à 17h, avec au tarif unique de 6 euros. Après la diffusion du film, on fera une petite discussion et il y aura un quiz à remplir et on pourra déguster des vins et pâtisseries marocaines qui seront fabriqués par Nadège de Cookhaven. Voilà. Donc ça c'est globalement les alors c'est pas le détail, c'est le gros la trame principale des différentes animations. Donc oui, tu as dit il y en a une en tout cas qui est complète, mais dis-moi, hein, forcément comme tu l'as dit, ça tourne autour du vin, autour du fromage, autour de dégustation. Oui. Est-ce que il y aura, ça c'est juste une question à laquelle je ne sais pas si tu as la réponse. Est-ce qu'il y aura peut-être des spécialistes, des œnologues ou des spécialistes de fromage qui seront là pour discuter avec les gens qui en auront envie ? Alors, pour le bar l'atypique, oui, le monsieur qui est propriétaire est un œnologue. Donc là, il pourra nous expliquer, pour ceux qui ont la chance, qui ont eu la chance de réserver, comme moi par exemple, mardi soir, pourra m'expliquer un petit peu les quatre vins que j'aurai à déguster. Après, au niveau du magasin Super U, je pense que chaque personne qui, derrière son rayon, pourra expliquer les produits qu'il met en dégustation. Ainsi que l'hôtel-restaurant Les Quatre Saisons. Je pense qu'il a l'habitude, il a l'habitude de servir des vins, donc d'expliquer. D'ailleurs, tu l'as pas précisé tout à l'heure, hein, les réservations sont obligatoires aussi pour les animations, le goût du vin au bar, au restaurant Les Quatre Saisons à Crutes. Oui. C'est important de le préciser, mais de toute façon, hein, encore une fois, on le répétera à nouveau en fin d'émission. Toutes les informations seront indiquées avec le site, hein, dans le podcast de l'émission. Donc, il s'agit essentiellement, surtout quand c'est des animations autour du vin, la question ne se pose pas spécialement, ça s'adresse plus à un public au-dessus de 18 ans. Tout à fait. Les adultes, bien sûr, et à consommer avec modération. Bien entendu. Bien entendu. Et après, les autres, hein, quand il s'agit, je vois qu'il y a du fromage. Tu as dit l'animation avec le Super U, tout ça, c'est quand même beaucoup plus famille, puisque tu l'as dit, hein, vous avez un label Famille Plus, c'est important de proposer des animations qui conviennent à tout le monde. Oui, à tout public, effectivement. Et donc ça, c'est tout ce qui concerne le goût, mais oui. Le goût, ça passe aussi par la culture, ou la culture de la cuisine, tout simplement, tout la culture fait. Culinaire. Mm-hmm. Tu as parlé pour le dimanche 14 octobre à 17h, la projection d'un film qui s'appelle Tazeka. Est-ce que tu peux peut-être dire aux auditeurs quelle est la synopsis de ce film ? Alors, le petit résumé, donc c'est l'histoire de Elias, grandi au cœur d'un village marocain, Tazeka, qui est élevé par sa grand-mère et qui lui transmet le goût et le secret de la cuisine traditionnelle. Alors, quelques années plus tard, la rencontre avec un grand chef cuisinier parisien et l'éruption de la jeune Salma dans son quotidien va bouleverser sa vie, en fait. Et va permettre de partir et de rencontrer donc un chef cuisinier et de faire de la cuisine. D'ailleurs, je ne vois pas très très bien sur l'affiche du film, il a été primé à Cannes ou par des concours, hein ? Alors, le film... Alors, il a eu le coup de cœur au Festival international du film à Aubagne. Bon, il a quand même reçu 5 récompenses. Voilà. J'en perds mes mots. Donc à Montpellier, au Caire. Donc c'est un film à voir. Bon, moi personnellement, je ne l'ai encore pas vu, donc je vais le découvrir aussi dimanche. D'ailleurs, tu m'as dit qu'il sera même diffusé avant même son avant-première nationale, c'est ça ? Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais dis-moi, est-ce que le film Tazeka, il a aussi été choisi de manière nationale pour la Semaine du Goût, ou c'est l'Office de Tourisme de la Bresse, donc toi et tes collègues, qui avaient décidé de projeter ce film-là ? Alors non, c'est les membres du cinéma. Bon, moi, je les avais sollicités pour, comme l'année dernière, pour qu'ils nous proposent un film en rapport avec le goût. Et donc, ils nous ont proposé Tazeka. Et moi, derrière, j'ai sollicité quelqu'un d'une association, une œnologue qui aussi fait partie d'une association qui s'appelle Cook Heaven et qui fait aussi de la... Elle est aussi traiteur. Donc, je les ai associés pour pouvoir avoir une animation autour de ce film, en fait. Oui, qui est comme une continuité ou une harmonie, quelque chose. Voilà, c'est ça. On a essayé de rajouter quelque chose par rapport à l'année dernière. Parce que l'année dernière, il n'y avait pas de projection de si, film. Si, on avait uniquement que le film. D'accord. Alors que cette année, on a rajouté donc un petit débat autour du film. Un petit quiz avec un petit lot à gagner pour le fun. Et puis, dégustation produits marocains. Donc un petit peu de vin marocain et puis quelques spécialités marocaines aussi. Oui, donc, tu as dit par l'association Cook Event. Oui. Est-ce qu'on peut peut-être parler brièvement de cette association ? On peut en profiter pour lui faire un petit peu de pub ? Oui, alors Nadège Perrier, qui est présidente de l'association Cook Event, qui est principalement dans beaucoup de nos rendez-vous, soit proposés par la mairie, soit par l'office de tourisme, et qui est traiteur œnologue à la base, en fait. Voilà. Et que Nadège, que j'embrasse, que je connais bien. Voilà, donc... Oui, donc tu disais, y a la dégustation. Et tu as dit, il y a aussi discussion, débat avec qui ? Est-ce qu'il y aura, je ne sais pas, Jean-Philippe Gault, le réalisateur, qui sera... Non, alors non, malheureusement. Par contre, ce sera Nadège qui va, et les gens du cinéma, et moi-même, on peut... autour de ce film, discuter un petit peu de la culture marocaine, en fait. Nadège a beaucoup voyagé, donc connaît aussi cette culture. Voilà. Et puis, voilà, c'est un moment d'échange, de partage. Voilà, autour de la culture marocaine. D'ailleurs, en termes de prix, comme on parle toujours un petit peu de prix, oui. Préciser les prix des animations, parce que bon, une des rares animations qui coûte est déjà complète. Celle du bar à tapas en Alsace, c'est, je précise quand même rapidement, de 32 euros. Oui. Et pour le cinéma, comme il y a quand même projection et après dégustation, il y a quand même aussi un petit prix pour contribuer, oui, un petit peu à tout, voilà, ça. Voilà, alors un tarif uni à 16 euros, ce qui comprend donc la... le film et puis aussi la petite dégustation après le film, quoi. Et tout ça, ça va se passer bien entendu au cinéma grand écran à la Bresse, oui. Qui est situé derrière l'église, pour ceux qui ne le connaissent pas. Voilà, hein, pour le situer, centre-ville, derrière l'église, rue des Soupirs. C'est peut-être le moment de s'écouter une dernière pause musicale. Il s'agit d'un dernier morceau d'un artiste que je ne connais pas encore. Il s'agit de Matt Simons et le morceau We Can Do Better, qu'on s'écoute tout de suite et on se retrouve juste après. Oh yeah, we can do better. I know it hurt bad, your mom left you dead when you were a little girl. You think I'm gonna leave, cause history repeats, we've seen it around the world. Well, all that we're told is this, so get old, we'll cheat, and we'll both get hurt. Against all the odds, we'll pray to the gods that this love works. When all we see is bad blood and mistakes, all we hear is sad songs, but heartbreaks, and no matter how long it takes, we're not gonna give up. We can do better. And say things we shouldn't say. Forgive and forget, for we gonna bed and we gonna be okay. Some people pretend it's not gonna end and then up and walk away. But that isn't me, I'm not gonna leave, I'm here to stay. When all we see is bad blood and mistakes, all we hear is sad songs, but heartbreaks. And no matter how long it takes, we're not gonna give up. We can do better. All we see is bad blood and mistakes. All we hear is sad songs, but heartbreaks. And no matter how long it takes, not gonna give up. We can do better. Et c'était Matt Simon pour le morceau We Can Do Better. Vous êtes toujours sur Radio Guémouzo 107FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups avec Isabelle de l'Office de Tourisme de la Bresse. Oui, loup. D'ailleurs, j'en profite pour dire bonjour à la maison de la Bresse parce que j'ai failli riper. Toujours dans la même commune, mais c'est quand même pas la même structure. Et si tu es là, hein, pour, toujours avec nous pour cette tout doucement conclusion d'émission, c'est pour rappeler un petit peu hein, comment ça se passe, pourquoi... Et qu'est-ce qu'on peut bien trouver pour cette semaine du goût 2018, bien sûr. Comme tu le disais, il y a eu 2017 qui s'était pas trop mal passé pour une première édition. Oui, tout à fait. Et envie peut-être de préparer tout doucement ou d'avoir des pistes pour 2019. Tout à fait. Avant toute chose, qu'est-ce que tu peux peut-être rappeler à nos auditeurs pour les dernières informations dont ils auraient peut-être besoin? Alors, si les gens veulent venir déguster des menus un peu spéciaux, donc je les invite à réserver leur menu pour la semaine du goût. Donc, des menus spécifiques pour cette semaine, haut en couleur. Et je pense que les gens ne se seront pas déçus, comme l'année dernière. Moi, j'ai eu la chance d'y goûter, de tester. Et la preuve, c'est que cette année, je vais aussi... Bon, malheureusement, je ne peux pas faire tous les restaurants, mais j'en ai choisi deux. Donc, je ferai deux restaurants et deux animations, bien entendu, parce que je pense que pour en parler, il faut tester. Donc, je vais tester aussi pour vous et puis pour améliorer aussi pour l'année prochaine, si pour la troisième édition. Bien entendu, et comme tu le disais, il y a, je crois, 9 restaurants participants, donc il y a quand même l'embarras du choix avec les différents menus qui s'adressent quand même à des amateurs de viande comme de poisson. Et aussi pour les enfants, c'est important de le préciser, comme vous avez quand même le label. Enfin, je ne sais pas si on appelle ça label, mais... Oui, le label Famille Plus, oui. Oui, voilà, important de le préciser, ça s'adresse à tout le monde et même aux familles nombreuses. Enfin, en tout cas, si quelqu'un veut sortir, sortir pour une belle occasion dans un restaurant, je pense que ça peut être l'occasion. Comme tu le disais, hein, les menus adultes sont entre 21 et 33 euros. Oui. Les menus enfants sont bien entendu moins chers. Hein, entre 12 et 16 euros, en fait. Oui, donc c'est quand même une bonne moitié en moins en termes de prix aussi. Et comme tu le disais, c'est important de réserver. Et si vous voulez le détail, je vais y arriver, des différents restaurants, hein, ce sera encore une fois indiqué dans le podcast. Ça doit faire la 3e ou 4e fois que je le rappelle. sera indiqué sur le site www.labresse.net. D'ailleurs, je pense... Ah oui, il y a aussi une page Facebook, un événement Facebook qui a été créé pour ça. Je pense que c'est peut-être bien d'en parler, non ? Aussi. Oui, la Bresse Fête le Goût sur Facebook. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, donc sur la Bresse Fête le Goût. Qui est aussi indiqué avec le podcast sur notre page Facebook, par contre, hein, peut-être pas sur notre site internet, mais là aussi vous aurez d'autres informations, je pense, au jour le jour sur cette semaine du goût, hein, savoir comment ça se passe et tout. Donc ça, c'est quand il est question des restaurants et on peut aussi reparler assez brièvement des différentes animations. Donc 5 animations, 3 autour du vin. Et puis donc le cinéma, une projection d'un film, Tazeka, et puis dégustation de fromage, de salaison, voilà, des produits de chez nous, de nos fermes et puis de nos producteurs locaux. Parce que d'ailleurs, tant que j'y pense, c'est vrai que c'est vraiment, déjà c'est un pléonasme, mais c'est une valeur, c'est un point d'honneur pour la semaine du goût de mettre en avant des produits locaux. Ah oui, tout à fait. Surtout que nous, on a des fermes, on a des gens qui cultivent, on a que l'embarras du choix. Donc voilà, on a vraiment de quoi faire avec ce qui pousse dans notre terroir, on va dire ça comme ça. Voilà. Voilà, ça s'adresse à tout le monde. Et t'as dit, il y a dégustation, il y a ouverture culturelle. Hein, c'est une ouverture aussi à la semaine du goût en fait. Voir aussi que le goût, ça passe par d'autres médiums comme par le cinéma avec le film Tazeka, un film franco-marocain réalisé par Jean-Philippe Gault qui d'ailleurs n'est pas encore sorti nationalement à l'heure à laquelle vous m'écoutez, mais qui a été primé dans certains festivals, hein. Contrairement à ce que j'avais dit, c'est pas le festival de Cannes, mais bon, il n'y a pas que Cannes dans la vie. Non. Ça, c'est pour les différentes animations. D'ailleurs, tu as dit toutes les animations ne sont pas forcément payantes, hein, oui. Du moins. Oui, oui. Les deux animations, il y en a deux qui sont gratuites. Oui, donc au Cuvée Vosgienne à la Bresse et au magasin Super U. Donc, voilà. Animation gratuite. Qui s'adresse encore une fois à tout le monde et tout sera indiqué encore une fois sur le site www.labresse.net que je ne vais peut-être plus rappeler une dernière fois, je pense que les auditeurs l'ont assez entendu et encore une fois, hein, je pense que c'est important de souligner hein, tout le travail qui a été fait derrière, alors non pas que par toi parce que c'est... c'est toute une équipe en fait. Voilà. Toute une équipe, voilà, il faut peut-être penser à remercier celles qui nous écoutent. Oui. Alors oui, bien sûr, moi je remercie mes fidèles partenaires tout au long de l'année, je les sollicite à droite à gauche. Julie Grobe qui me fait confiance sur ce dossier, bien entendu. Et puis toi, Lou, qui m'a permis de faire un peu de radio, un peu plus de radio que d'habitude. Si je bafouille, c'est que je suis pas très très à l'aise non plus. Mais bon, j'espère que les gens ne m'en voudront point. Voilà, je ferai mieux la prochaine fois, l'année prochaine. Ah oui, l'année prochaine, on est toujours là pour apprendre sur soi-même, pour s'améliorer. Exactement. Que ce soit toi ou même moi, hein. N'hésitez pas d'ailleurs, chers auditeurs, à me faire aussi vos retours si vous estimez que j'ai des tocs de langage, hein, parce que ça, je sais que j'en ai. Je suis très réceptive aussi à la moindre remarque, surtout si elle est constructive, c'est important de le dire. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que les choses marchent. Hein. Mais ça, c'est même plein d'événements, hein. C'est nous-mêmes en tant qu'êtres humains et les événements, hein. Pour que les choses avancent, il faut communiquer, il faut travailler aussi ensemble et vraiment faire en sorte que les choses se passent bien. Et c'est comme ça que, j'en suis sûre, la semaine du goût 2018 à la Bresse va très bien se passer. Et oui. Et je ne sais pas si on a d'autres informations à transmettre à nos auditeurs ou si on leur a tout dit. Écoutez, moi je les écoute Lou, je les invite à venir sur la Bresse sur cette semaine du goût. En plus, il va faire beau. Donc c'est parfait, une bonne semaine qui se prépare et je croise les doigts pour cette semaine du coup. Et nous aussi à Radio Gémozo, on croise les doigts pour toi et pour toute la Bresse. Merci bien. Et avant de se dire au revoir, c'est déjà le moment de faire la programmation. Donc la prochaine émission, on retrouve François à 20h pour le calendrier des esclavages et des libérations. Puis on se retrouve demain matin, 7h-8h, pour la rediffusion de l'émission que vous avez écoutée à l'instant. Pour ceux qui n'ont pas la patience d'attendre demain matin, elle sera aisément écoutable et téléchargeable en podcast sur notre page Facebook Radio Gémozo ou sur notre site internet radiogémozo.eu, émission et rediffusion rubrique L'heure des loups, hein, aisément écoutable, aisément téléchargeable sur ordinateur, smartphone, tablette, tous les systèmes d'exploitation, tout fonctionne. Suivi ensuite de demain matin à 8h les minutes bonheur de l'IA et enfin à 8h30 la matinale de Marion qui vous racontera le programme de la journée de demain. Et sinon on se retrouvera demain de 18h à 19h pour parler de littérature, cette fois avec Gilles Laporte et Dominique de J'ai aimé, je vous le lis. Et pourquoi Gilles Laporte? Eh bien pour son roman Les Roses de Montfort qui est sorti assez récemment, je crois fin du mois d'août, que j'ai dévoré pendant mes vacances et que je vous conseille vraiment de lire. Mais pour en savoir plus, on se retrouve demain. Et en attendant, Isabelle, hein, merci encore pour ta présence, pour ces informations. Écoute, merci à toi Lou. C'était un plaisir et les auditeurs, j'espère plaisir aussi que l'émission vous a plu. Donc comme tu le disais un petit peu plus tôt, allez à la Bresse, ça vaut le coup. Et je vous remercie aussi beaucoup pour votre attention. On se retrouve demain, même heure, sur le 107. Bonne soirée à tous. Au revoir. Thank you.